Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur comicstories.fr pour le 45e épisode de Comic Stories, épisode un petit peu particulier qui sera consacré à Graph Comics, le premier éditeur de comics gratuits en France. On vous expliquera pourquoi nous avons choisi de consacrer cette émission à Graph Comics, pourquoi maintenant, et on ne vous l'expliquera pas seul puisque pour cette émission, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Tout d'abord, Fanny Monstier. Bonjour. Qui est donc, si je ne me trompe pas, le community manager de Graph Comics. C'est bien ça. Et Vincent Fourneuf. Bonjour, bonjour à tous. Qui est donc un des deux fondateurs de Graph Comics et qui est également dessinateur de plusieurs séries sur le projet. Voilà. Deux séries. Deux séries. Et puis, pour nous accompagner, les personnes de l'équipe, donc les habituels, Arnaud. Salut. Et Clément. Salut. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme la semaine dernière, le traditionnel appel au vote pour les comics Top Stories 2014 qui auront lieu la semaine prochaine pour vous. Donc il vous reste au jour de diffusion plus que deux jours pour voter donc pour le meilleur de 2014 en VO, en VF et puis pour les adaptations ciné et série. On vous rappelle bien sûr qu'il y a la Mystery Box de Noël en jeu, donc pour l'un d'entre vous qui sera tiré au sort, avec notamment 2 ans de publication Graph Comics à l'intérieur. Youpi. N'est-ce pas ? Allez, on va tout de suite rentrer donc sur le thème de la semaine, donc Graph Comics. Eh bien, la première question que j'ai envie de vous poser, peut-être Vincent, Graph Comics c'est quoi ? Alors Graph Comics, comme vous l'avez dit, c'est le premier éditeur de comics gratuit en France. En fait, c'est l'idée est de distribuer 4 séries différentes par mois et de les distribuer directement aux étudiants, donc collège, lycée, faculté et tout ce qui a trait au scolaire, directement aux étudiants dans le même principe que les 20 minutes ou Metro News. Voilà, dans la main. Alors, pourquoi le public étudiant ? Alors, on vise le public étudiant pour une raison qui est simple et un peu pécuniaire, c'est qu'en fait, Graph Comics vit des annonceurs et nous avons cherché un moyen de pouvoir, entre guillemets, satisfaire les annonceurs en distribuant directement les cibles qu'ils privilégient en général. La deuxième chose aussi, c'est que nous pensons que les lecteurs, le profil des lecteurs de comics, c'est à peu près 12, 25, 30 ans. On a essayé en fait d'avoir une idée qui pourrait satisfaire tout le monde en même temps. Voilà, distribuer gratuitement à des étudiants qui n'ont pas forcément des sous. Payer ces bandes dessinées seraient payées par des annonceurs qui toucheraient directement leur cible et essayer de faire travailler des auteurs français, fans de comics, en créant de nouvelles histoires. D'accord. Et comment on en vient à avoir l'idée de se dire un jour, tiens, on va créer des séries comics, en plus on va en faire 4, en plus dans le même univers, et on va les donner gratuitement. Vous voulez dire à part la drogue ? C'est ça. En fait, c'était l'idée de Yanis Grandin, qui est le fondateur de Graph Comics. On ne se drogue pas, hein, d'ailleurs. On ne va pas lancer des fausses rumeurs. On ne sait pas. Non, je plaisante. Yanis voulait depuis longtemps ouvrir. Faire une maison d'édition de comics, mais on sait qu'aujourd'hui c'est très difficile d'ouvrir une maison d'édition, en particulier sur un secteur qui est très ciblé. Il faut être vraiment généraliste. Donc, il s'est rendu compte un jour avec ses enfants que aujourd'hui on était dans un monde de gratuité, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de téléchargements et que vendre c'est très difficile. Donc, il s'est dit, l'idée, c'est de donner directement les bandes dessinées aux étudiants, ce qui éviterait qu'ils les téléchargent illégalement ou légalement, c'est-à-dire rendre un peu plus facile la diffusion. Et donc, il s'est dit, quel est le moyen pour financer un livre gratuit, ben, c'est des annonceurs, c'est la publicité, comme aux États-Unis en fait, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, les publicités finançaient en fait entièrement le livre, la bande dessinée. Pour ce qui est des deux lunes, je dois avouer que c'est de ma faute là, quand là, il est venu me voir puisqu'on se connaissait depuis assez longtemps. Et ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait un univers partagé. Et donc, j'avais dans la tête cette histoire de deuxième lune qui apporterait des pouvoirs sur toute la planète. Et donc, en fait, les quatre séries sont venues quasiment d'elles-mêmes avec, logiquement, un groupe sur Terre, un groupe sur une autre planète qui partagerait la deuxième lune, des gens qui exploreraient cette seconde lune, et la quatrième série, en fait, les origines de cette seconde lune à travers l'archéologie. Donc, en fait, les séries sont venues presque logiquement, en prenant en fait les angles différents d'un même événement, en fait. D'accord. Et là, je pense à nos auditeurs qui ne sont pas forcément étudiants, qui ne sont pas forcément en Île-de-France en plus. Si eux souhaitent pouvoir lire les comics Graph Comics, en dehors de la participation à la campagne Ulule, que évidemment nous recommandons chaleureusement, Merci. comment on fait? Alors, ben, je vais me permettre de répondre parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement. Parce que moi, je ne suis pas parisienne en fait, hein. Il n'y a que les deux fondateurs qui le sont. Et donc, c'est vrai qu'on en parle souvent. Et moi aussi, j'aimerais bien les lire, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que après la première distribution, qui est donc, comme on a dit, pour l'instant en Île-de-France à la sortie des établissements scolaires, et je dis bien pour l'instant. Parce que nous, on aimerait bien faire dans d'autres villes de France et même Belgique, Suisse, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est, on va pas se mentir, des questions financières qui font qu'on limite à l'Île-de-France. Mais en attendant, on va de toute façon, un petit peu après la première distribution, mettre en ligne, en version PDF, les numéros de nos quatre séries sur notre site. De façon à ce que, à la fois, les gens qui n'habitent pas en Île-de-France, qui ne sont pas étudiants, qui ont loupé la distribution, peu importe, puissent les lire, ou alors ceux qui prennent en cours, en fait, puissent les lire aussi, lire les numéros précédents. Et puis ça a un intérêt aussi pour les annonceurs, puisque leur pub disparaît pas dès que l'exemplaire Bien est sûr, oui. rangé. En fait, il est lisible par tous, l'exemplaire, pendant de longs mois, enfin, possiblement indéfiniment. Si je Voilà. peux ajouter quelque chose, le but de Graph Comics n'était pas d'exclure et de cibler quelqu'un en particulier. On est vraiment au début de la création de la société, de la maison d'édition. Nous, on est de Paris, donc naturellement, on a couvert l'Île-de-France, puisque c'est chez nous. On aurait été de Bordeaux, de Montpellier et de Marseille, on aurait couvert Marseille. L'autre idée, si on a visé les étudiants, c'était parce que c'était à la fois notre public, et à la fois parce qu'ils plaisent aux annonceurs. Mais ce que nous voudrions, nous, c'est naturellement, dans une deuxième partie, pouvoir nous développer dans toute la France. Donc on va. Et là, on se rend compte, effectivement, peut-être on était un peu trop prudent, c'est-à-dire qu'on avait peur que ce soit difficile, justement, de pouvoir distribuer dans toute la France. Mais on voit qu'il y a vraiment une demande, elle est concrète. Donc on va commencer à chercher des idées pour pouvoir se développer plus rapidement. Mais en fait, c'était vraiment la deuxième phase de la société, de pouvoir distribuer à un nombre plus large de personnes. Les BD graphes sont vraiment faites, et ça, j'y tiens, c'est très important, pour qu'elles soient lues par tout le monde de n'importe quel âge. C'est vraiment des séries qui ont des thèmes différents. On a une série de super-héros, une série d'aventures, une série science-fiction, une série aventures archéologiques. Donc c'est vraiment des thèmes qui peuvent plaire. Donc le but n'est absolument pas de viser des cibles en particulier. Et ça, j'y tiens vraiment, c'est très important pour nous de savoir qu'on va vraiment, surtout avec Fanny, développer cette partie-là, essayer de trouver des nouvelles idées. On se rend compte qu'il y a une demande, on va tenter d'y répondre. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne va pas communiquer là-dessus dans le sens où Bien sûr. c'est un peu c'est tôt. plus, donc voilà, c'est faire les bébés. Ok, et puis on peut toujours se prendre à rêver et pourquoi pas imaginer des TPB en librairie plus tard? Absolument, rien n'est fermé, bien sûr. Nous, ça nous plairait. Moi, j'aime beaucoup le format TPB. Les séries sont construites pour raconter à la fois des histoires en format comics, mais aussi sur la durée. Donc, oui, bien sûr, ce serait bien des jolis TPB avec des recherches, des amis dessinateurs qui feraient des dessins dedans. Oui, bien sûr, mais Plus tard. On verra. C'est une question, c'est le nerf de la guerre, hein. C'est si simple que ça. On essaye d'être prudent, peut-être qu'on l'est trop, on ne veut pas dire oui, bientôt en préparation le film ou la ligne de mer. On peut déjà sortir nos quatre séries, mais évidemment, rien n'est fermé, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on n'y pense pas. Disons qu'on essaye de faire les choses bien dans le bon ordre. Maintenant, on est ouvert à tout, en fait. On aimerait bien aller loin, ça c'est sûr. Mais faut aussi faire les choses pas à pas. Oui. Arnaud, Clément, vous n'aviez pas connaissance avant il y a quelques semaines de Graph Comics. Du coup, vous avez découvert un peu en même temps que pas mal de personnes, la compagne Ulule et les personnes qui ont pu découvrir aussi le projet à la PCE. Quelle a été votre première impression quand je vous ai parlé de ça, quand vous avez feuilleté le fascicule, regardé le site? Bah, moi, quand tu nous en as parlé, j'étais assez curieux au départ. Comme on l'a dit au début, c'est nouveau, un comics français gratuit en plus. J'étais intéressé, mais en même temps, j'avais un peu peur de comment ça pourrait donner. Parce qu'on se dit tout de suite, c'est un comics gratuit, c'est français, tout de suite, on a des préjugés. Pas bien ça. Mais en fait, je sais. Ah, ça, les préjugés. Mais ensuite, j'ai quand même eu la curiosité d'aller lire le fascicule, hein, et j'étais surpris. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, Merci. notamment deux séries, Ouais. Next Gen et Les Nouveaux Argonautes. Et même au niveau, bon, y a pas, niveau contenu, on n'a pas grand-chose de l'histoire, on n'a que 2, 3 pages à chaque fois, mais c'était suffisant pour attirer ma curiosité. Et même au niveau de dessin, j'étais très surpris. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait. Et ça m'a donné justement bah, de suivre le projet, de lire la suite. Merci, merci pour les auteurs. Après, je comprends le propos d'Arnaud. C'est vrai qu'on a eu des French Comics par le passé qui s'apparentaient plus à des expériences de franco-belges qui tentaient de toucher au thème des comics. Là, on a effectivement vraiment le format, ne serait-ce que le format 20 pages par épisode, plus les pages de publicité. Donc, on a le fascicule d'une trentaine de pages comme le format US. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui, effectivement, en plus de l'histoire, de la qualité graphique, etc. font qu'effectivement on a toutes les craintes qui peuvent être liées quand on entend parler d'un comics fait par des Français, en plus pas encore très connu, donc on se dit tiens, est-ce que ça va pas être encore une tentative de franco-belge qui va virer au comics? Là non, c'est vraiment du comics pur. Alors d'abord, merci beaucoup. Alors ça, c'est tout un travail, effectivement, c'est un peu l'expression classique, mais de réflexion qu'on a réellement eue. La première chose qu'on ne voulait surtout pas faire, c'est ce qu'on appelle du comics à la française. Je n'ai rien contre la franco-belge. J'ai travaillé pour Pif Gadget, qui fait des séries franco-belges. J'adore des tas de séries franco-belges comme 13, L'Argo Winch. Je veux dire, je suis très très fan. Franquin, Spirou, j'adore. Mais quand on fait les choses, enfin pour moi, de mon point de vue, on doit les faire bien. C'est-à-dire qu'on fait du comics, on fait du comics. Il y a eu une époque, quand on faisait du comics, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire, par exemple, on faisait du comics, c'était l'imprimeur qui nous disait, moi, je fais que des albums franco-belges, donc vous aurez que ce format-là. Donc, du coup, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que les imprimeurs eux-mêmes, c'est très intéressant, ils sont très emballés par le format. Ils nous proposent des choses, des couvertures à chromium, des trucs, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc, il faut profiter de ça. Quant au style, oui, pour nous, voilà, on a essayé de faire le comics, quoi. Mais en même temps, comme je vous dis, c'est pas non plus. Je dois mettre aussi un grand coup de chapeau à Fanny parce qu'elle a très clairement expliqué toutes les choses que nous avions du mal, nous, à expliquer. Vraiment, elle a fait un excellent travail là-dessus. Fanny d'ailleurs qui a rejoint le projet en cours de route, je crois, il y a. Oui, ça fait plus longtemps en fait. Ça fait depuis. Enfin, on se connaît depuis longtemps. On s'était rencontrés en fait à la PCE 2013. Puis enfin voilà, on avait gardé le contact, mais c'est vrai que je travaillais sur autre chose. Voilà, et il s'est trouvé que on s'est retrouvés tous les deux à un moment où moi je cherchais du travail et eux ils avaient besoin de quelqu'un. C'est très bien tombé. Mais c'est vrai que je connais le concept depuis vous en fait, D'accord. la même chose que vous depuis PCE 2013. Mais je le rejoins effectivement fin septembre dernier. Donc c'est vrai que moi, mon travail ça a été de traduire un peu tout ce qu'on me disait en termes compréhensibles et simples de la com quoi, hein, tout simplement. Et voilà, j'espère que j'ai bien réussi. A Je priori, confirme. oui, il y a pas de, oui, c'est clair que la communication qui est faite autour de, notamment de la campagne Ulule, hein, quand on a fait la souscription, là, on a reçu déjà plusieurs fois des news, plusieurs fois des nouvelles actus, des mises à jour, un peu les coulisses, la conception de pages, etc. Donc c'est clair que Mais c'est. encore, vous n'avez rien vu. Ah! N'est-ce pas? Teasing. J'ai juste à côté de moi un plan sur 6 semaines. D'accord. Intéressant. On va parler maintenant des quatre séries, un peu plus dans leur détail pour présenter un petit peu le concept. Donc, on l'a dit, un univers unique, un univers partagé qui part de l'apparition d'une deuxième lune autour de la Terre. Et de là vont découler quatre séries. Donc, on a commencé un petit peu à en parler. Donc, on aura Next Gen, on aura Le Prince de Thémis, Les Nouveaux Argonautes et Blist. Donc, pour Next Gen, si je ne me trompe pas, le scénario est de Stéphane Canel. Absolument. Tout à fait. Et les dessins de vous, Vincent. Voilà. Eh bien, si vous pouvez nous présenter un petit peu le concept de cette première série. Alors, donc en fait, le Prince de Next Gen, pardon, c'est donc une série, je dirais, de super-héros classiques, c'est-à-dire un groupe de super-héros qui apparaît quasiment en même temps ou quelques jours après l'arrivée de la seconde lune. Qui va commencer donc autour de la ville de Chicago à aider les gens à intervenir sur des incendies, des accidents, à aider à empêcher des hold-up, des choses comme ça. Et en fait, il y a vraiment un côté mystérieux qui va appeler la curiosité d'une jeune blogueuse, Dina O'Hara, qui va les suivre et qui va découvrir qu'en fait leur masque ne cache pas seulement leur identité, mais cache un plus gros secret. Et ce secret en fait va complètement changer le cours de la série, puisqu'en fait, sans trop tout dévoiler, on va se rendre compte que s'ils portent des masques, c'est pas pour aider les gens, mais c'est pour éviter d'être pourchassés. Oh, t'as pas trop dit, D'accord. suspense. Bon bah voilà, petit Je petit m'arrête spoil. là. De faire un podcast sur nous, je donne un peu, allez. Oh, c'est sympa. Ouais, tout spoil, quoi. De toute façon, on lira quand même. Hein. On va balancer des spoilers sur Flash et Arrow, On va le faire juste dans l'émission d'après, nous. c'est pas grave. Non, mais donc en fait, oui, voilà, on voulait retrouver le côté. Effectivement, des X-Men qui est assumé sans refaire exactement la même chose, puisque vous verrez que le secret est très différent, mais dans le côté Ce qui est intéressant dans Next Gen, c'est que ce sont les super-héros qui ont peur des humains et qui sont conscients de la société actuelle dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire une société qui aurait plus le réflexe de les pourchasser, pardon, et de les accuser de tous les maux plutôt que de les aduler, quoi. Clément, toi, juste avant de commencer l'émission, on a discuté un petit peu. Toi, clairement, cette série, ça avait l'air d'être ton coup de cœur parmi tout ce que tu avais vu. Bah écoute, enfin moi j'ai pas eu le temps de lire en fait mais je suis néanmoins allé voir sur le site. Donc du coup il y a en gros deux dessins. Oui, deux dessins. Et rien que graphiquement ça me plaît beaucoup. Donc Merci. Chapeau Vincent, c'est très beau. Enfin, j'aime beaucoup. Franchement il y a vraiment du style et ça me fait vraiment penser au style qu'on peut retrouver en ce moment chez certains comics Marvel. Donc de ce point de vue-là, déjà ça attire l'œil, donc je trouve que c'est un Écoutez, point c'est fort. tout, merci. Bah, Vraiment. j'ajoute que les couleurs sont de mon frère et D'accord. et de Loïc Rémy. Et elles aident beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup Ah bah à. sur le fascicule, on le voit, les couleurs sont magnifiques. Merci pour eux parce que franchement, ils ont fait un Ça travail a qui est vraiment juste. l'air. Ouais. Mais moi, je dis remercier Clément parce que franchement, ça nous touche. Voilà, c'est merci. Non, vraiment, je le pense vraiment. J'ai pas. Et même le speech de l'histoire enfin m'intéresse quoi, ça me suscite vraiment de l'intérêt. Et effectivement, ça m'a fait penser comme Mathieu ou d'autres, ça m'a fait penser effectivement à X-Men. Donc et ça me dérange pas parce que c'est comme Mathieu avait pu dire par rapport à tout ce qui est French comics. Oui. Et qu'on pouvait regretter, c'est qu'ils aient trop de comment faire de la transposition en matière de enfin, de la franco-belge à l'aspect comique sans trop réussir. Or là, rien que de par ces deux images, non seulement je retrouve un peu l'aspect comique américain, mais toi là, il y a une patte. Ça m'a pas l'air vraiment d'être. Ça a l'air original et c'est vrai que l'histoire, d'après ce que vous avez dit, c'est vrai que ça s'annonce plutôt intéressant. Donc c'est vrai que c'est une série qui pour le coup m'intéresse encore plus. Alors pour souligner le côté X-Men, je viens juste de remarquer dans le fascicule la page A comme arrivée partie 1 sur 4. J'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas un hommage à E comme extinction Si, absolument, sur la oui. composition de l'image? Tout à fait, c'était le comics de Frank Quitely et Grant Morrison. Oui. Vous allez voir, parce qu'en fait, ce sera A comme arrivée, B comme bataille, donc on va faire carrément tout l'alphabet. D'accord. Hein, on fait plus fort que les Américains. Et en fait, l'idée, vraiment au début, voilà, ce qu'on a vu avec les précédentes, comme vous dites, tentatives, où en fait, je dis tentative, mais. Il y a des choses qui fonctionnent quand Voilà, même, qui continuent, il y mais... a des très bonnes choses aussi, où tout était, mais ce qu'on voulait, c'était les premiers numéros, vraiment le premier numéro rappelle des univers connus afin de pouvoir mieux intégrer le lecteur dans les séries, c'est-à-dire qu'il soit dans des codes qu'il connaît. Et ensuite, le gratuit nous permet ça, on va jouer avec le lecteur et lui montrer qu'en fait, il est absolument pas du tout dans ces séries. Et là, pouvoir peut-être lui montrer l'esprit Graph Comics. Ouais, voilà, mais votre touche en fait. Voilà. Donc oui, ça a l'air d'X-Men. Non, ça ne l'est pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir. La Voilà. rigueur, tant mieux. Oui, voilà. Oui, moi, nous, on a aucun problème avec le fait qu'on nous dise, par exemple, oui, ça fait Witchblade. C'est Parce que, dommage en fait. voilà. Ce serait plus difficile si on vendait les séries, si les gens pourraient dire, bah non, j'ai déjà mon Witchblade, pourquoi j'achèterais ça? Mais là, le gratuit va nous permettre de pouvoir poser les choses tranquillement, d'amener les gens vers nos bandes dessinées, et on sait que parfois le lecteur de comics peut être un peu râleur quand on voit critiquer Jim Lee sur Superman, alors qu'en fait c'est quand même Jim Lee sur Superman, mais qu'on arrive. Du coup, imaginez-nous quoi. Donc, Ouais. on va, voilà. Il y a des codes, ils sont là, ils sont parfaitement assumés, mais c'est des codes. C'est juste pour le premier numéro. Après, à nous de vous prouver que, bah non, en fait, on fait des comics avec des histoires inédites. On va passer à la deuxième maintenant, le prince de Thémis, donc, qui est scénarisé, encore une fois, sauf erreur, par Stéphane Canel, là aussi. Oui, absolument. avec des dessins de Gil, c'est ça? Guile, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Qui n'est pas inconnu pour les lecteurs de French Comics, notamment. Voilà. Ça c'est. C'est un nom qui devrait résonner chez certains auditeurs. Eh bien, Fanny, du coup, pour cette série. Oui, alors donc le prince de Thémis, donc le héros, c'est John Donovan, qui vient donc aussi de Chicago, qui en fait se réveille avec une énorme gueule de bois. Donc un matin sympathique, et en fait il se rend compte qu'il ne sait pas du tout où est-ce qu'il est. Il voit tout de suite une deuxième lune. Et il y a une personne, une jeune femme qui se précipite vers lui et qui est pourchassée par une armée en fait, et il se retrouve à la sauver, et en faisant ça il se rend compte qu'il a des pouvoirs, un peu comme Superman, hein, super force, etc. Et lui qui est complètement paumé, il sait pas où est-ce qu'il est, pourquoi il a ses pouvoirs, comment il est arrivé là. Il se retrouve dans une civilisation sur une planète inconnue qui le prend un peu pour son sauveur, quoi. Qui suit, selon une prophétie, annonce qu'un étranger avec des pouvoirs va venir pour sauver leur planète d'une grande guerre, puisqu'ils sont cinq civilisations différentes et un peu ennemies entre elles. Et donc lui, il va avoir tout ce poids-là sur ses épaules alors qu'il essaie juste de se remettre de sa soirée d'hier et qu'il comprend rien du tout à ce qui se passe. Donc voilà, c'est un peu, pour reprendre les idées d'inspiration, c'est un peu John Carter, au commencement en tout cas. Voilà, moi c'est une série que j'aime beaucoup, les dessins de Gale Ah ouais, c'est me chouette. font beaucoup, donc voilà. Ouais, moi c'est une série aussi qui m'a bien plu, notamment le fait de se retrouver dans un univers comme ça, complètement inconnu. On ne sait pas effectivement ce qu'on fait là, pourquoi on est là. Et puis quelques petites références. Enfin, moi c'est bon, j'ai été conquis dès que j'ai eu la phrase « On est loin du Kansas ». Ceux qui comprennent la référence, voilà. Mais voilà, moi c'est une série qui me branche pas mal, effectivement. Et puis c'est le loser qui a plein de pouvoirs et qui a plein de responsabilités, qui sait pas trop quoi en faire. C'est un truc. Moi j'aime beaucoup ça dans les comics, quoi. On n'est pas dans le Captain America tout lisse, ça a rien à voir, quoi. Oui, Donc il y a des non. failles et effectivement, c'est assez C'est intéressant. fort intéressant pour moi. On va voir comment un homme devient un héros. Déjà, ce qui va y arriver. Ce qui était intéressant, c'est de prendre. C'est qu'ils ont pris le contraire de Superman, et enfin, ils sont revenus aux bases. On sait que John Carter, c'est le premier, entre guillemets, héros type de science-fiction fantastique. Superman, c'est le premier comics et super-héros de comics. Et en fait, là, ils ont fait le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un extraterrestre qui vienne sur Terre, c'est un terrien qui vient sur une planète extraterrestre. Et son voyage à la fois sur la planète, c'est aussi un voyage pour savoir sera-t-il à la hauteur de ce qu'on lui a mis dans les pattes, quoi. Et puis en termes d'identification au personnage, le fait d'avoir un terrien qui débarque sur une planète extraterrestre, etc., c'est vrai que ça peut être assez fort pour le lecteur. Il n'y a rien de mieux, hein, ça c'est sûr, pour se retrouver dans la peau du héros, que ce soit le seul qui nous ressemble, quoi. Ouais, c'est ça. Autant Superman, des fois on peut avoir du mal à le comprendre ou quoi, alors que là on aura voilà quelqu'un qui nous Oui, ressemble c'est déjà ça. plus. Alors les nouveaux Argonautes, donc troisième série, avec le scénario d'Alexis Duchâteau, c'est bien ça? Voilà la fille de Richard. Et D'accord. en fait, c'est une série. Alors, ce qu'on voulait, donc, il fallait effectivement commencer à parler de cette seconde lune, afin que ce soit pas juste une espèce de gadget, c'est-à-dire de dire, bah, il y a une seconde lune, ha. Et c'est à travers cette série qu'on va commencer à comprendre pourquoi elle est là, qui l'a amenée là, et pourquoi elle donne des pouvoirs aux gens. Donc c'est à la fois une série importante, mais aussi la série la plus légère. C'est-à-dire que ils ont envoyé en gros sur cette seconde lune un groupe de rigolos qui se demandent bien ce qu'ils font là déjà eux-mêmes et ce qu'ils vont bien pouvoir faire. C'est un peu plus léger, beaucoup plus d'humour, plus de. On va voir des espèces d'herbates de dieux mythologiques. Donc on va essayer de s'amuser et de surprendre à chaque page dans cette série. Arnaud, Clément, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette série, vous? Est-ce qu'elle vous a fait réagir particulièrement? Moi, encore une fois, j'ai pas pu lire le site. Je me base du coup juste sur votre site. Mais du coup, c'est pareil, ça me fait toujours penser aux équipes qu'on peut retrouver dans les comics américains. Donc, je pense notamment, ça m'a fait penser un peu là, à première vue, aux Gardiens de la Galaxie. C'est relativement récent, ça m'a fait penser à ça. Alors moi pas du tout, mais vas-y. Dis ça, tiens. Non, mais je sais pas, c'est juste parce que c'est espace et tout ça, quoi. C'est juste par rapport à ça. Après, mais en tout cas, ça me fait penser toujours à cet aspect de comics basé sur équipe. Après, c'est moi, faut pas chercher, Ouais, c'est mais Clément, voilà, c'est exactement ça, c'est très bon résumé. La pire comme comparaison, hein. Je veux Ah bah dire, c'est sûr, c'est sûr. non, mais c'est parce que c'est avant tout comme c'est envoyé. Et à l'époque Avec... créé, le film n'était pas du tout. Il avait même une très mauvaise réputation. Donc là, c'est sûr que. Maintenant, ça fait Non, plus c'est parce cool. que c'est. Ouais. Oui, c'est ça. C'est surtout l'aspect espace sur le coup qui m'a fait penser à ça. Mais c'est vrai qu'on voit. Enfin, pareil, ça m'intéresse aussi de voir comment une équipe de la sorte peut s'en sortir. C'est toujours intéressant. Bah, je pense que c'est surtout intéressant de voir du coup. Ce que ce sera finalement, ce que ça sera sur la nouvelle Lune, et je pense que ce sera finalement l'intérêt majeur de ce titre, et finalement, ça va être l'un des intérêts, des atouts même de ce que vous, de votre projet, c'est bien de créer un univers partagé dès le départ, et non pas de faire des titres bien séparés qui n'ont pas de lien entre eux, et Voilà. sur ça, du coup, ça donne un intérêt supplémentaire. Mais c'est vrai que je suis aussi curieux de ce point de vue-là pour ce titre. Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout est pensé. Est-ce que ça plaira aux gens? Je ne sais pas. Mais en tout cas, chaque personnage a une raison d'être. Il y a une raison de faire ces séries. Et tout est lié. Et vraiment, c'est. Oui, on a pensé au départ à tout ça. Normalement, a priori, à la fin, on va dire, des 12 premiers numéros, vous aurez l'univers qui sera posé définitivement. Ce sera un premier arc, on va dire. Voilà. D'accord. Donc en gros, là, après la première année finalement. Oui, tout à Voilà. fait. En gros, c'est ça. Oui. Absolument. Et pour compléter le roster de série, donc on a Bliss, donc sur un scénario de Richard et Alexis Duchâteau, Oui. et donc des dessins de Vincent Fourneuf. Eh oui, moi-même. Eh oui. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est pas du tout étonnant, vu que c'est une fille. Eh oui. Et elle a l'air quand même sacrément cool, cette fille, non? Ouais, plutôt, ouais. Badass, ouais. Je trouve que en termes de design, moi, c'est vraiment celle qui m'a attirée au début, en fait. Je me souviens de la première fois où j'ai feuilleté le preview il y a plus d'un an. Et moi, j'ai vu direct Bliss et voilà, c'est ça qui m'a accrochée. Donc, moi, ouais, c'est vraiment une série que. Enfin, c'est ma préférée dans les quatre, hein. On va pas le cacher. Mais c'est vraiment. Puis le scénario est assez bon. Ce qu'on en dit est assez mystérieux, hein, parce que c'est une Oui. série qui va. Enfin, c'est vrai qu'on. Il faut pas trop en dire parce que sinon on dévoile vite ce qu'on veut en faire. Mais c'est vraiment quelque chose moi qui me parle. Donc en fait, c'est le personnage principal s'appelle Alexis Bliss et qui se réveille en fait après l'apparition de la seconde lune, toujours. Hein, c'est le fil rouge. Qui en fait a des migraines. Et donc elle va à l'hôpital qui grouille un peu de gens qui ont des symptômes bizarres et tout ça. Enfin, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à cette lune, pas que ce dont on parle dans nos séries. En fait, c'est beaucoup plus large. Et en fait, elle a sur les scanners, on voit qu'elle a une boule d'énergie dans la tête. Et personne ne sait lui dire ce que c'est. Donc elle est un peu voilà, se demande d'où ça vient et qu'est-ce que ça va lui faire. Et en fait, elle c'est une étudiante. Qui étudie l'exoarchéologie, qui est l'étude des vestiges extraterrestres. Et donc, elle va partir avec son professeur, en fait, son professeur Steigman, à la recherche de réponses. Elle pense que c'est dans l'exoarchéologie qu'elle va en trouver. Et donc, ils partent au Pérou, voir une pyramide que personne n'a réussi à ouvrir, en fait, en pensant que peut-être avec cette énergie, qui semble répondre en fait à ce qu'il y a dans cette pyramide, peut-être qu'ils vont découvrir ce qu'il y a là-bas, et ça sera la réponse à ce qu'il y a dans sa tête en fait. D'accord. Voilà, c'est un peu Tomb Raider, un peu Indiana Jones au féminin, un peu ce genre de référence. Donc voilà. Moi, je trouve ça sympa. Bah ouais, carrément. Graphiquement, sur le preview, on a une des pages en noir et blanc. Est-ce que ça restera une série en noir et blanc ou est-ce qu'on aura une colo? Non, c'est colorisé. D'accord. Colorisé, il n'y a pas de souci. Les couleurs sont de Christine Deschamps, d'ailleurs. Ok. Mais sur le preview, en fait, la volonté, c'était de mettre différentes illustrations, montrer un petit peu. Oui, C'est différents stades ce que aussi vous de. disiez, c'est ce que moi j'aime bien faire aussi dans les news, notamment sur Ulule. J'aime bien montrer les crayonnés, l'ancrage, les différentes étapes. C'est vrai que les fans de comics sont assez coutumiers de ça. C'est le genre de choses qu'on aime bien quand on s'intéresse à une série, c'est voir les différentes étapes, voir comment c'est fait. Puis noir et blanc, c'est toujours classe, quoi, mais de loin. Bah ouais, ne serait-ce que la première page, enfin la première double page même du preview là en noir et blanc, ouais, ça en jette pas mal, ouais. Donc c'est pour ça la question, est-ce qu'on aurait une série finalement qui resterait en noir et blanc, parce que ça aurait été tout aussi sympa finalement. Oui. Mais les couleurs rendent pas mal sur cette série, notamment avec la fameuse énergie. C'est vrai que je trouve personnellement que Oui, c'est vrai, ça peut apporter quelque chose ouais. avec cette énergie, ouais. Ouais, sans couleurs, ça aurait été un petit peu moins impactant pour moi. D'accord. Peut-être que sur les autres, on aurait pu laisser en noir et blanc, mais celle-là, je pense que sans couleurs, ça aurait été moins impressionnant. C'est une série qui a beaucoup évolué aussi depuis un an. Donc vous verrez, on a rajouté beaucoup de choses. Ça va vraiment au-delà de ce que vous avez pu voir dans le preview. Oui, c'est vrai que le scénario de Richard et Alexis du Château, en fait, quand le preview a été fait, était un peu sommaire. En fait, c'était vraiment le début de la création. Et là, depuis, c'est voilà, on a plus ou moins le premier arc, hein, qui est réfléchi. Donc, on peut en parler un peu mieux, on va dire, on peut le présenter un peu mieux que ce qui a été fait dans le preview, en fait. Alexis est très fan de tout ce qui est mythologie. Oui. Donc elle a apporté à Bliss justement quelque chose qui moi je trouvais manquait un petit peu. C'était bien l'exoarchéologie, mais elle a réussi à ajouter en fait un lien logique avec tout ce qui va se passer après. Et elle a eu une idée qui était vraiment bien, quoi. Oh, tu dis ça parce que ça va faire des beaux dessins, arrête. Bah, et ça compte. Il fait toujours ça. Il est content, il va dessiner des chouettes trucs, hein, donc ça va. Oui, entre Next Gen et Bliss, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir, ouais, quoi. Oui, carrément, carrément. Bien, alors voilà pour le roster donc de 4 séries Graph Comics. Maintenant, pour lire ces séries, il va falloir déjà sans doute être un petit peu patient. Et puis surtout, aller faire un petit tour sur le site ulule.com/graphcomics-édition pour participer à la campagne de financement, puisque vous avez lancé une campagne de financement Ulule, ça fait quoi, une vingtaine de jours maintenant? Oui, c'était juste avant la Paris Comics Expo, donc oui, c'est ça, ça doit faire 20, 21 jours ou quelque chose comme ça, 3 semaines. Ouais. Alors, cette campagne de financement, à quoi elle va servir? Quel est son objectif? Alors en fait, comme on disait au début, le modèle économique de la boîte, c'est de sortir du gratuit, en fait, financé par les publicités. Mais c'est vrai que le problème, c'est que tant que c'est pas sorti, les annonceurs sont un peu frileux, ce qui est Bien normal. sûr. Donc on a eu un peu de difficulté à décider des gens qui en fait sont intéressés, mais qui disent bah oui, on verra quand ça sera Quand ça sera sorti. lancé, ouais, bien sûr. Donc le serpent se mord la queue, C'est donc ça. voilà. Et en fait on s'est dit qu'au final, même si c'est vrai qu'au début, je sais que Vincent et Yanis étaient un peu réticents parce que le but d'un gratuit, c'est pas de faire payer les gens pour que ça commence. Mais c'est vrai que en faisant cette campagne-là, en donnant des contreparties avantageuses pour inciter les gens à donner pour ça, on va en fait permettre de sortir les séries plus rapidement, tout simplement, en montrant aux annonceurs, enfin, je dis les annonceurs, c'est aussi les institutions, les banques, etc., hein, tout ce qui permet de financer une société. Que bien, on a des gens intéressés, tout simplement. Ah bah oui, ça, oui. Voilà, déjà, premièrement, on est quelque chose que les gens ont choisi de financer, donc on est un projet viable. Et c'est aussi intéressant de dire aux annonceurs, regardez, on a déjà des abonnés. ce qui a un certain poids. Et puis c'est vrai que moi personnellement j'aime beaucoup le principe du crowdfunding, le financement participatif, parce que c'est quelque chose qui permet entre guillemets de passer entre les mailles du filet classique de il faut qu'on fasse un prêt à la banque, etc. Même si on en a besoin, mais c'est vrai que avoir le contact direct avec les gens, c'est simple, on voit tout de suite s'ils aiment ou pas, hein, s'ils donnent de l'argent ou pas. Donc voilà, ça permet d'avoir un vrai retour aussi sur ce qu'on fait. Et on a eu, vous pouvez le voir sur la page, beaucoup de commentaires, beaucoup de mails, et on s'est rendu compte, notamment à travers ça, qu'il y avait une grosse demande pour une distribution soit numérique, soit par abonnement, ou enfin en tout cas en dehors de la distribution qu'on avait prévue au début, c'est-à-dire donc dans les établissements scolaires d'Île-de-France. Donc ça permet aussi d'affiner le projet. C'est quelque chose qui est important, d'avoir le retour direct des gens, et faire ça, faire Ulule, ça nous a aussi permis ça. Mais c'est vrai qu'avant tout, c'est nous permettre de démarrer. En fait, il nous manque un petit coup de pouce pour démarrer complètement le projet, et c'est ça. Et donc on demande aux gens, on a besoin d'un petit peu d'aide de votre part, mais on vous propose quand même des contributions sympas. C'est vrai que je suis un habitué, moi, du crowdfunding en tant que participant, et on en a déjà parlé dans nos émissions, notamment concernant Néophélis, et il y a des choses qui sont sorties en France, Fighting American cette année, qui sont des vieux trésors du comics qu'on n'aurait jamais eu sans ce genre d'initiative sur Ulule et ce genre de projet collectif comme ça. Oui, c'est très intéressant comme principe. Il y a eu plus récemment aussi The Infinite Loop. Oui. De Elsa Chartier. Voilà, qui a permis en plus de lui donner un sacré coup de pouce à elle. Ben oui, tout à fait, parce que maintenant ça va sortir aux États-Unis, voilà. Avec l'éditeur IDW, donc c'est quand même, enfin moi particulièrement ce projet-là, moi j'ai trouvé que c'était un exemple incroyable de ce que on pouvait faire en dehors du circuit classique. Et nous c'est ça qu'on cherche en fait, c'est oui, d'accord, on est une maison d'édition, mais on sort du circuit classique. On veut faire du gratuit, on veut être accessible. Et voilà, les idées comme Ulule, ça nous correspond tout à fait, en fait. Oui, c'est pour ça. À la base, quand on a lancé l'idée de cette émission, on voulait parler en même temps de deux autres initiatives qui sont Thrill Bent et Panel Syndicate, qui sont des initiatives américaines, qui sont aussi un peu sur ce terrain-là, c'est-à-dire de dire on va utiliser tous les moyens modernes à notre disposition pour faire quelque chose de différent et montrer qu'on peut faire du comics un peu autrement que par les moyens classiques. Et donc c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir ce genre de... Oui, c'est toujours intéressant de voir que les choses bougent, qu'il y a des nouvelles initiatives, que les réseaux sociaux, etc., les nouveaux sites font que la créativité, elle peut aller plus loin qu'avant. Ça, c'est quand même génial. Enfin, on a beau dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de choses quand même. Donc voilà, nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Alors, pour cette campagne, donc il reste une trentaine de jours aujourd'hui. À l'heure de diffusion de l'émission, il restera 29 jours pour la soutenir. Oui. Donc plusieurs contreparties sont proposées pour le financement, notamment la contrepartie de base, qui, enfin, moi quand j'ai vu cette contrepartie, je me suis dit c'est bon, ils vont tout rafler rien qu'avec ça, parce que pour une contrepartie juste de 5 €, vous pouvez recevoir le magazine Graph pendant 2 ans. Ouais. C'est 5 € déjà, c'est pas grand chose. Pour recevoir 2 ans de comics en plus, c'est assez énorme comme contrepartie. Et puis après, donc, on a des contreparties plus importantes pour des contributions plus importantes. Donc pour 25 €, s'ajoute cette fois une couverture variante. Donc oui. Il y a les 4 numéros 1 des séries qui ont effectivement une couverture variante inédite qui n'est pas disponible à la distribution. Il y a aussi un dessin au choix parmi une sélection que j'ai mise dans la page. Qui sera signé par le dessinateur, c'est-à-dire Vincent. Donc voilà, et plus il y a de paliers, plus les contributions augmentent. Donc par exemple, si quelqu'un veut donner 50 €, il a toutes les contreparties précédentes, mais aussi 3 dessins. Ensuite, si on arrive à 100 €, il y a aussi un poster numérotés, signés par l'auteur, enfin, etc. Il y a, Et on cette a fois, on plus passe tous même ces à trucs. 4 ans de publication. Et on passe à 4 ans, c'est vrai, j'avais oublié. Ah oui. Et voilà, donc bah, allez faire un tour hein, sur cette page. De toute façon, vous avez le lien sur notre Twitter, sur notre Facebook. Vous aurez aussi le lien dans l'article du podcast de toute façon. Voilà, donc allez faire un tour sur cette page. Et puis n'hésitez pas à participer. Je pense que voilà, on a été assez clair quant à l'enthousiasme que nous procure ce projet. Merci. Je pense que pour les auditeurs, voilà, c'est des choses qui devraient aussi résonner chez eux. Certains, voilà, qui nous laissent des commentaires un peu régulièrement, voilà, je pense que ça devrait plaire aussi à nos lecteurs et nos auditeurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page, bah, d'abord sur le site gravecomics.com Oui. pour avoir une présentation globale de tout le projet, des origines jusqu'à la présentation des séries. Et puis après, eh ben, vous suivez le lien qui vous emmène sur Ulule et puis vous y allez de votre petite contribution. C'est un joli cadeau de Noël pour Graf et c'est un joli cadeau de Noël pour vous parce que vous allez recevoir plein de comics pendant plusieurs années, donc c'est cool. Et vous pouvez tout à fait l'offrir à vos proches, c'est un super cadeau de Noël, c'est vrai. Exactement, comme nous on fait pour l'une des personnes qui va voter pour notre bilan de l'année. Et ben voilà. Voilà. Merci Bah, pour merci à votre vous. participation à cette émission, c'était vraiment sympa. Bah oui, ça nous a beaucoup plu aussi. Aussi pareil. C'est très sympa. Merci. Juste mentionner, allez, un petit peu d'auto-promo pour Fanny qui a également un blog qui s'appelle Comics pour Noob, Merci. que je suis allé voir Ah, c'est gentil. quand je suis allé bah, sur le site en fait il y avait un peu votre bio et tout ça donc je suis allé voir un petit peu. Donc voilà, le site est le blog est intéressant aussi donc allez faire un petit tour aussi. Donc Ah, c'est c'est Comics gentil. pour Noob, vous tapez sur Google, vous trouverez ça, voilà. Ça me fait plaisir. Oui. Merci à vous et puis surtout merci aux gens qui ont déjà donné, qui sont intéressés. La plus grosse surprise pour nous, ça a été de voir qu'il y a une réelle communauté de fans de comics et de bandes dessinées, j'ajoute, en France et que des gens se mobilisent. Et pour nous, vraiment, on s'attendait pas. Les gens se répondent, discutent, considèrent nos bandes dessinées au même niveau que des bandes dessinées américaines professionnelles qui paraissent depuis des années. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis en plus, ça permet de voir que les lecteurs de comics ne sont pas que des vieux cons qui ne font que gueuler. Ça, c'est bien. Là, vous dites ça pour moi, mais Ah non, mais moi je suis pareil, hein, je suis le premier à râler sur des trucs, hein, il suffit d'écouter les ouais. émissions. Hein, Ah ouais, c'est ce qu'on va râler, oui. Mais bon, le fan de comics, par essence, c'est un fan. C'est Donc, ça. il n'y a pas de raison qu'on ait que le côté râleur. Fan de comics et français, C'est ça peut exactement ce que j'allais dire, ouais. C'est être un sacré cocktail. Mais voilà. Bien, on arrive donc au terme de cette 45e émission. Pour les prochains rendez-vous, eh bien mardi, on se retrouve pour le 13e épisode de notre émission consacrée aux comics sur nos écrans. On va faire le bilan à mi-saison de The Flash et de Arrow. On en parlait tout à l'heure. Et il se pourrait bien qu'on râle un peu. Juste un petit Non, vous peu. n'avez pas râlé. La belle soirée, on dit. Pour The Flash. Bon, allez, on peut en dire un petit peu concernant les épisodes de fin de mi-saison. Là, Débat. il y a quand même débat. On sait déjà qu'on n'est pas d'accord sur pas mal de points. Ouais, on est voilà. D'accord. Notamment Sans The Flash. spoiler, la révélation finale de The Flash. Enfin, moi, ça m'a dégoûté. Je trouve ça. Ah mais non mais on sait pas. Non C'est mais trop facile, en fait. je vais faire ma grosse fangirl, mais tant pis, c'est pas grave. Alors, je suis désolée, mais ça me paraît trop évident. Mais Je c'est suis sûre ça. qu'il y a quelque chose de caché Pareil. derrière et que ce qu'on nous montre, Je pense que c'est c'est pas ça. le même avis. Alors soit c'est trop évident effectivement il y a quelque chose derrière, et j'espère que c'est ça parce que la série nous a donné quand même quelque J'espère chose de sûr. super depuis le début de la saison donc Et ça oui, serait bah. moche que ça fasse ça. Mais par contre si ce n'était pas le cas. Oui, mais ce serait pour ce. Je dis Non, que. non, je ne lâcherai pas, c'est plus compliqué que Je ça. pense qu'il y a quelque chose derrière, effectivement. Surtout. Si Geoff Jones et tous ceux qui travaillent sur la série, il faut attendre la fin de la première. Oui, surtout que Geoff Jones, en plus, a l'habitude de faire des choses sur le long terme. On a vu ses longs runs sur les séries, etc. Donc, on peut lui faire confiance. Mais juste quand on s'arrête à juste cette révélation et qu'on se dit, voilà, il nous reste plus d'un mois à attendre et on se finit là-dessus. On a l'habitude d'avoir les saisons en entier d'un coup, ce côté trêve hivernale est assez difficile maintenant pour faire une série quasiment à leur sortie. Oui. Moi, on gueule pour Flash, mais le final de Arrow, c'était une pure finale. C'est pas vraiment une brochure. Voilà. Donc ça donne le ton pour la semaine prochaine. Je trouvais ça pas si nul. Non, moi il m'a laissé juste, enfin il m'a laissé indifférent. J'ai trouvé ni mauvais ni bon. C'était voilà. Non, c'est pas que j'en avais rien à faire, c'est que ce qui se passe à la fin, c'était évident. Évidemment qu'il va pas lui mettre une tannée à Ra's al Ghul. On parle quand même d'un mec immortel, maître dans les arts du combat, et voilà. Donc évidemment que ça peut se finir que comme ça. Et on sait très bien qu'il va pas qu'il est pas mort. Oui. Eh ben moi j'espère que si. Ah, je dégoûte. Ça pourrait être intéressant d'avoir une série sur un an. Oui, non mais ça c'est vrai que ça fait peur quand même. Avoir une série sur un an qui traite les conséquences de la disparition du personnage, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, mais je dégoûte. Non, je pense qu'ils vont faire genre un petit puits de Lazare. Ils vont faire genre 5 épisodes où il sera absent, comme ça va leur permettre de nous infliger la nouvelle Black Canary. Voilà. La trilogie sur Laurel Lance, on a atteint nous aussi. Hein. C'est ça. Mais il reviendra, c'est sûr. Mais quand même, même si je suis pas une grande fan, je trouve que le combat, il était très joliment fait. La chorégraphie, tout ça, même voilà, c'était. Voilà, vous avez un aperçu de ce qui vous attend mardi, ça promet d'être animé. Donc dans le 13e épisode de Comics TV Stories, et puis samedi prochain, on sera quel jour? On sera le 27 décembre, on commencera donc nos Comics Top Stories de 2014. Donc samedi 27, on aura le meilleur de l'année en VO, donc basé sur vos votes sur le site, et puis sur également les choix de l'équipe. Et puis on enchaînera le 30 décembre avec le meilleur de l'année à la télé et au cinéma, et on terminera en janvier avec l'année en VF. Voilà pour le programme des semaines à venir. C'était notre dernière émission classique, on va dire, de 2014, donc joyeuses fêtes à tous. D'ici la prochaine fois, bonne lecture, bonne série, ulule.com/graph-comics, et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.